بسم الله الرحمن الرحيم. سندخل اليوم في الحديث 80 80 حديث toujours dans le même صفات الصلاة dans le chapitre de les caractéristiques de la salat. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدة وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينسب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى عن أن يفترش رجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم ويختم الصلاة بالتسليم. Selon Aïcha radiallahu anha, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il ouvrait la salat, il débutait la salat, il commençait par le takbir, Ya Allahu Akbar. Ensuite, il récitait Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Al-Fatiha. Et lorsqu'il s'inclinait, il ne levait pas sa tête trop bas ni trop haut, c'est-à-dire elle était à juste milieu. Et lorsqu'il relevait sa tête de l'inclinaison, il ne prosternait pas jusqu'à ce qu'il reste un temps debout. Et si jamais il relevait sa tête de la prosternation, il ne se reprosternait pas la fois d'après sans avoir gardé un temps assis. Et il faisait cela, après chaque rakat, il faisait la tahiyya, c'est-à-dire le tashahud. Et lorsqu'il était assis, il étalait sa jambe droite et dressait sa jambe gauche. Ou plutôt, il étalait sa jambe gauche et dressait sa jambe droite. D'accord ? Il étalait sa jambe gauche en dessous de lui et il dressait la jambe droite sur le côté. Et il interdisait de faire Uqba Shaitan. C'est-à-dire, Uqba Shaitan, c'est le fait d'étaler les deux pieds. C'est-à-dire le dos du pied, les deux sont sur le sol et la personne, elle est postérieure qui touche les talons. Ce n'est pas ils sont dressés, s'ils sont étalés sur le sol. D'accord ? Ça veut dire les deux dos du pied sont tous les deux affalés sur le sol, ce qui fait que le plat du pied, lui, est vers le haut, et les talons sont au-dessus, et lui, il pose son postérieur sur le talon. Car il y a une autre posture qui existe qui ressemble à celle-ci, c'est que les pieds sont dressés, les deux. C'est-à-dire, celle-ci, elle est permise. Elle est venue dans la sunna même. Là, elle ne parle pas de celle-ci, elle parle de celle où les deux pieds sont étalés sur le sol, du côté du dos, et que le postérieur, lui, est posé sur les talons. Et il interdisait que la personne se prosterne en s'étalant à la manière des fauves, des belles sauvages. Et il terminait la salat par le taslim, le fait de dire salam alaykoum. Non. Yaqulu fadilat al-shaykh ibn al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Rawi, rapporteur, c'est Aïcha, dont la tarjama a été citée auparavant. Yaqul mawdu' al-hadith, le sujet du hadith, c'est montrer comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait sa salat. Là, c'est une partie, ce n'est pas tout. Mais des points importants dans le descriptif de sa salat. Yaqul fil sharh al-ijmali. تحدث عائشة رضي الله عنها عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نشرا للعلم وتبليغا للسنة ودعوة اتباع. Donc Aïcha nous raconte comment le Nabi صلى الله عليه وسلم faisait sa salat afin en vue de propager le ilm et de faire parvenir la sunna et d'appeler les gens à la suivre. فتقول إنه كان يبتدي الصلاة بقول الله أكبر. Bikoulin, Allahu Akbar, qui commence la salat par le takbir en disant Allahu Akbar. Ou yabtadi ul kira'a, ay kira'at al Qur'an bi surat al Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, et qui commençait par réciter le Fatiha, qui est Il faisait sans commencer par la basmala à voix haute, comme d'autres hadiths sont venus qui vont sûrement venir par la suite. Il s'arrêtait un temps, comme l'a rapporté Abu Huraira dans le dernier hadith, pour faire le dua, l'invocation d'ouverture, et après il récitait le Fatiha. Et lorsqu'il s'inclinait, il s'inclinait avec le dos. C'est-à-dire que sa tête et son dos étaient sur une même ligne. Et qu'il ne levait pas sa tête plus que son dos. C'est-à-dire que c'était comme une ligne droite, la tête et le dos. Et lorsqu'il se relevait de l'inclinaison, il restait un instant avant de se prosterner. Et Kazali, lorsqu'il était prosterné, la première prosternation, il restait un instant assis avant de faire la deuxième prosternation. Et toutes les deux prosternations, ou plutôt toutes les deux rak'at, on va dire, il faisait le taslim, le tashahhud, je veux dire, le tahiyya. D'accord? Toutes les deux rak'at. S'il y avait une salade de deux rak'at, et il en faisait un seul, après la salade était terminée. S'il y avait une salade de quatre rak'at, au bout de deux, il faisait un tashahhud, et à la fin des deux autres, il faisait un tashahhud. Et pareil pour le Maghreb, de toute façon. Toutes les salawat, c'est comme ça. Et à ce moment-là, quand il faisait le tashahhud, comment il s'asseyait? Donc il a dit, lorsqu'il était assis justement pour faire le tashahhud, il est assis de quelle sorte à avoir sa jambe droite qui est étalée et la jambe gauche qui est dressée. Ou plutôt la jambe gauche qui est étalée et la jambe droite qui est dressée. D'accord? Il étale la jambe gauche et il dresse la jambe droite. Il interdisait deux choses, deux actes qui sont considérés comme étant mauvais dans la salat. C'est Rokbat Shaitan, comme on expliquait tout à l'heure, le fait d'avoir les deux pieds étalés sur le dos et s'asseoir sur les talons. Et également, celui qui se prosterne, qui étale ses bras à la manière des pattes des fauves. C'est-à-dire complètement affalés. Qui en réalité, comme cela va venir, le sujoud, les prosternations, tu te prosternes sur les deux mains alors que les bras sont écartés et levés. Et non pas avoir les avant-bras qui sont étalés sur le sol. Et il finissait sa salat par le taslim. D'accord? Il faisait encore le tashahhud et après le taslim. Le fait de dire salam alaykoum wa rahmatullahi barakatuh deux fois. Tout comme il avait ouvert la salat avec le takbir. Donc là, c'est un aperçu général de la salat du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a d'autres détails qui demandent d'être cités qui viendront par la suite, inshallah. يقول في فوائد الحديث أن افتتاح الصلاة بقول الله بقول الله أكبر فلا تكفي النية ولا غير تكبير من ألفاظ التعظيم. Bon, pour la salat, d'accord, il faut le faire en disant Allahu Akbar. Il ne suffit pas seulement d'avoir une niya, mais il faut faire dire Allahu Akbar seulement et ne pas dire autre chose. Car certains ulama voient que tu peux dire autre que l'offre de Jalala. Tu ouvres la salat avec un autre nom parmi les noms d'Allah Azzawajal. Et ça, il n'y a pas de preuve là-dessus. Donc ce que tu dis, c'est Allahu Akbar. Thaniyan, an qira'ata fi salat tubda'a bis fatiha. Walau qara'a qablaha shay'an min al-Qur'an lam yu'tada bih. Et que là, justement, la salat commence par la récitation de fatiha. Et que si jamais il se trompait et venait à réciter autre chose avant la fatiha, ce n'est pas pris en compte. D'accord? Mais il faut qu'il recommence en faisant la Fatiha. Il recommence en faisant la Fatiha. Thalithan, mashru'iyatil taswiyat bayna ar-ras wa adh-dhahr hal al-ruku'. Que la tête et le dos sont sur une même ligne lors de l'inclinaison. C'est-à-dire, tu ne bases pas ta tête plus que ton dos, ni tu la lèves. C'est-à-dire, ta nuque est sur une même ligne que ta colonne vertébrale. رابعا مشروعة الاستقرار في القيام بعد الركوع وفي الجلوس بعد السجدتين. Que il est légiféré de rester un temps debout après s'être levé de l'inclinaison et un petit temps assis après s'être prosterné. خامسا مشروعية قراءة التحيات في آخر كل ركعتين فإن كانت الصلاة ركعتين أتم التشهد وسلم وإن كان أكثر قام بعد التشهد الأول فأتى بما بقي من صلاته وسلم. Justement, qu'il est légiféré de rester al tahiyya, la salutation, dans le tashahhud, après toutes les deux rakat. Après toutes les deux rakat. Et que si jamais c'est une salat qui n'a que deux rakat, comme on l'a dit, alors il a fini par le tashahhud et le taslim. Le fait de dire salam alaykoum wa rahmatullah deux fois. Et si jamais elle est plus que deux rakat, il poursuit sa salat et il l'achève par ce taslim avec ce tashahhud. Naam. سادسا مشروعية افتراش القدم اليسرى ونصب اليمنى حال الجلوس qu'il est légiféré justement d'étaler le pied gauche et de dresser le pied droit sur le côté lors de l'assise, la position assise. سابعا النهي عن الجلوس على ركبتين مفترشا القدمين et qu'il est interdit de s'asseoir le ركبت شيطان qui est le fait d'avoir les deux pieds étalés sur le dos, sur le sol, c'est-à-dire les deux, on a expliqué les deux dos du pied sur le sol. Et d'avoir le postérieur appuyé sur les talons. وهكذا. سابعاً أو ثامناً النهي عن افتراش الذراعي حال السجود qui n'est pas permis d'affaler ses bras sur le sol lors de la prosternation, comme le ferait un animal sauvage, comme les chiens, comme les fauves. Également. Les avant-bras qui sont affalés sur le sol, cela n'est pas permis. تاسعا أن ختم الصلاة بقولي السلام عليكم ورحمة الله فلا تختم بالنية ولا باللفظ غير تسليم. Et que la salat doit être justement achevée par la salutation, le fait de dire السلام عليكم ورحمة الله. Elle ne suffit pas d'avoir une simple intention dans le cœur ou autre prononciation que le taslim. Et le Cheikh Othaymeen met en attention là que l'auteur du livre a fait une erreur car ce hadith en réalité ne rentre pas dans les conditions du livre. Il n'est pas muttafaqun alayhi. Il n'a pas été rapporté par Bukhari, par Muslim, mais n'a été rapporté que par Muslim seul. On doit faire attention. Il reste authentique, mais à la base, les conditions de ce livre, c'est de ne rapporter que des hadiths rapportés par le Bukhari et Muslim ensemble, communément. Chose qui n'est pas le cas pour ce hadith-là. Wallahu ta'ala alam, wa alhamdulillah.